Atterrissage brutal. Le voyage de retour Singapour-Zurich se passe mal. Jamais, au cours de tous ses trajets en avion, Faustine n'a subi autant de turbulences. À force, cela donne une impression d'instabilité génératrice d'anxiété. Impossible de dormir dans ces conditions. Maman aussi souffre, elle le fait bien sentir. Ses jambes ont doublé de volume, mais que faire? Exténuée, Faustine ne parvient plus à prodiguer la gentillesse servile attendue. On ne peut passer ses nuits à discuter, ses jours à explorer tout en répondant à des demandes constantes. Faustine compare sa mère à un vampire, un insupportable boulet. En exigeant en permanence sa présence à ses côtés, l'auteur de ses jours l'empêche de vivre sa vie. La frustration la submerge. À Zurich, l'automne, ce sont trois voyageurs hagards qui se retrouvent attablés devant une bière sous les néons impitoyables d'une cafétéria anonyme. Rodolphe s'avère incapable de tuer leur histoire dans l'œuf. Il accompagne Faustine et sa mère jusqu'à la gare pour rester en contact jusqu'à la dernière minute. Lorsque les deux femmes descendent en gare de Lausanne, les jambes de maman sont revenues à la normale. Les tensions s'apaisent. La réalité de sa vie la rattrape, sans pour autant museler la gamberge. Rodolphe et elle se reverront, c'est sûr, et peut-être feront-ils un bout de chemin ensemble. Y aurait-il une place dans son puzzle sentimental compliqué pour une pièce supplémentaire? Pas sûr. De son côté, Faustine, même si les sentiments sont là, doit se montrer cohérente et savoir ce qu'elle veut. Elle n'aspire pas forcément à un changement d'existence radical. Il y a l'opportunité d'atteindre son objectif de maternité, c'est sûr, mais est-ce suffisant? Son attachement à Rodolphe est-il assez profond? On ne fait pas un bébé sans un minimum d'amour. Or, ils se connaissent si peu. En clair, cela demande maturation. Sachant qu'en ce moment même, Maxime joue aux arcs de l'autre côté du Léman, Faustine hésite à défaire sa valise. S'étant renseignée sur les horaires de train entre Lausanne et Bourg-Saint-Maurice, elle apprend qu'elle pourrait, si elle prend le train de 17h, être à la Plagne à 22h30. Cela emporte sa décision. Au téléphone, Maxime se montre ravi de la retrouver un peu plus tôt que prévu. Simplement, il enverra quelqu'un la chercher parce qu'il ne pourra pas quitter l'orchestre. Dans le train, Faustine soigne une migraine montante à coups de sandwich, poilane et d'Alka-Seltzer. Elle est à peu près en forme à l'arrivée, sauf qu'elle commet la funeste erreur de s'offrir un whisky au bar de l'hôtel. C'est le verre de trop. Le voyage en avion, la nuit grise, les deux trajets en train ont eu raison de ses forces. Portée par Maxime, Faustine rejoint leur chambre dans un état semi-comateux et s'effondre comme une masse. Au petit matin, elle se rêve dansant le tango, blottie dans les bras de Rodolphe, sur le ponton de Guilin. Quand le visage de Maxime s'interpose, elle hurle de terreur. Il sursaute, le pauvre, le voilà bien récompensé de son sacrifice financier et de ce mois de séparation. Mais Faustine ne s'excuse même pas. Pourquoi? Sans sa présence, sans ses chantages affectifs permanents, ses stratégies manipulatoires dont elle n'est pas toujours dupe, elle disposerait de sa vie comme elle l'entend. Alors, tant pis pour lui. On ne peut pas dire que la route entre la Plagne et Saint-Rémy se passe dans les meilleures conditions. Maxime en fourne une cassette après l'autre dans l'autoradio. Cela réchauffe un peu le silence pendant les 8 heures de bouchon entre Bourg-Saint-Maurice et Albertville. Quand ils accèdent au faubourg de Lyon, l'atmosphère se dégèle un peu. Sur un ton très neutre, Faustine raconte son voyage, diluant son sentiment de culpabilité dans un flot de paroles. Maxime prend beaucoup sur lui, étant une réactualisation de leur projet. Faustine va devoir recommencer à prendre sa température. Normalement, si ses calculs sont bons, la prochaine insémination artificielle pourra se faire dans les jours qui viennent. Il faut absolument qu'elle se repose le plus possible si elle veut mettre toutes les chances de son côté. Ce sera la 5e tentative. Il ne leur en restera plus qu'une après celle-là pour ce programme. Et pourquoi ne pas continuer jusqu'à ce que ça fonctionne? Parce qu'ils nous ont bien expliqué que 6 échecs cache probablement un autre problème. Et là, on entre dans des complications et des examens à l'infini. Il se pourrait que physiologiquement, tu sois momentanément incapable de procréer. Quoi ? Simplement parce que le choc de la perte de Julien aura créé un traumatisme qui t'en empêche. Tant que tu n'as pas pu faire ton deuil, et ça peut prendre des années, tu ne pourras pas accueillir un nouveau petit être. Alors je vais tout faire pour que ça fonctionne. Après tout, j'ai encore deux chances d'y parvenir. Exact, c'est loin d'être perdu. Faustine acquiesce d'autant plus volontiers qu'elle garde tout de même son joker en la personne de Rodolphe. Elle lui téléphone sitôt que Maxime a le dos tourné. Ils se parlent longuement chaque jour. Finalement, Faustine promet de venir le voir à Zurich dès que sa situation le permettra. Elle va bien trouver un moyen de se libérer un week-end pour concrétiser leur idylle. En attendant, tout en se mettant en disponibilité chez Adia, elle se concentre sur ses prises de température. Un événement imprévu va toutefois contrecarrer le rendez-vous suivant à l'hôpital Necker. Engagée chez Bouygues au moment du rachat de la société de 51% des parts de TF1, Faustine tombe en plein chambardement. Elle n'a pas tout compris. Il semblerait que certains supportent mal qu'une entreprise de travaux publics s'immisce dans le domaine des médias, avec tout ce que cela promet de manipulation future des masses. La CNL, Commission nationale de la communication et des libertés, n'a pas à privatiser une chaîne publique. Les prises de position sont violentes, les opposants envahissent les lieux, réussissent à pénétrer jusqu'aux locaux de la direction. On appelle la sécurité et ça chauffe. Suivez-moi, je vais vous sortir de là, lance un sous-chef aux deux secrétaires. Celles-ci ramassent leurs affaires et suivent l'homme au travers d'un dédale de couloirs d'ascenseurs et de caves jusqu'à une sortie discrète qui débouche non loin d'un arrêt de bus. De là, Faustine rejoint la gare de Saint-Rémy, toute réjouie. Elle va avoir quelque chose à raconter ce soir. Hélas, le lendemain, quand Faustine retrouve sa voiture sur le parking de Bouygues, la batterie est à plat. Des petits malins ont joué avec. Au prix d'un marathon insensé, elle parvient tout de même à Necker, à peu près dans les temps. Mais on lui fait remarquer que dans ces conditions de stress, le succès de l'insémination n'est pas garanti. Il eût été plus sage de reporter d'un mois. Maxime donne un séminaire au fin fond de l'Allemagne. Seul, frustré, triste d'avoir gaspillé une chance, Faustine appelle Rodolphe. Lui réexpliquant pourquoi elle ne peut pas le faire avec Maxime, elle lui demande s'il accepterait de lui faire un enfant sans exiger qu'elle vive avec lui. Elle a déjà le père, elle veut juste un enfant. Est-il d'accord, oui ou non ? Il dit oui. Alors Faustine réserve sa place sur un vol Orly-Zurich pour le week-end supposé de sa prochaine ovulation. En attendant, elle continue à travailler, histoire de ne pas se donner le temps de réfléchir. Un soir, Maxime la surprend en pleine conversation téléphonique avec Rodolphe. Plus moyen de lui cacher le pot aux roses. Faustine finit par cracher le morceau. Elle a trouvé un inséminateur. Et hélas, son mari ne le voit pas du tout d'un si bon œil. Ou plutôt, l'attachement que semble avoir Faustine pour cet étalon potentiel lui fait craindre le pire. Après tout, quelle raison aurait-elle de revenir si le projet réussissait ? Maxime se fâche, exige, supplie, pleure enfin. Faustine s'accroche, persiste et signe. En quelques jours, il maigrit de plusieurs kilos, entre en dépression, perd toute dignité. Il va jusqu'à se mettre à genoux, pleure, implore, au nom de leur amour, au nom de Julien. Ne me fais pas ça, ne me quitte pas, je ne veux pas te perdre, je ferai tout ce que tu voudras. Bouleversée, Faustine se laisse attendrir par ses larmes, renonce à son projet. Téléphone à Rodolphe qui lui avoue contrit. « Tu sais, il a raison ton mari. Je crois pas que j'aurais été capable de te faire un enfant sans le regarder grandir. Moi aussi, je suis amoureux de toi. Finalement, c'est mieux de s'arrêter avant qu'il soit trop tard. » Fin de l'histoire. La semaine suivante, Flair lui vante les bienfaits d'une psychanalyse. Mon médecin est formidable. Tu devrais essayer. Peut-être qu'il pourrait t'extraire de ton marasme. Mais il te faudra de la patience. Ça peut prendre des années. Et ce voyage à l'intérieur de toi-même sera sans doute très douloureux. Je vais lui parler de toi et t'obtenir un rendez-vous. Faustine se rend au cabinet du docteur X. Pendant 50 minutes, elle lui raconte sa vie, parle de Julien, mais aussi de ce problème d'alcool qu'elle traîne depuis si longtemps et qui commence à lui faire peur. L'homme se contente de lui passer la boîte de mouchoirs sans poser une seule question. Il a tellement l'air de s'ennuyer que Faustine n'a plus qu'une envie, s'enfuir. Bon, nous allons nous arrêter là. Oui, docteur, merci, mais ce problème d'alcool. Mais enfin, madame, vous savez bien qu'il n'y a pas de secret. Un peu de volonté, que diable, lance-t-il d'un ton méprisant. Faustine sort de chez lui, outrée, humiliée. Elle s'engouffre dans le premier bistrot. Un double cognac, s'il vous plaît. Il est à peine 15 heures. En avril, Faustine reçoit sa 6e et dernière insémination. Tout se passe bien. Elle est folle d'espoir. Jusqu'au moment des règles. Accablée, Faustine retourne chez Claire. Pendant toute la nuit, cette dernière lui parle. De 19 à 25% de réussite, c'est normal. C'est ainsi. On n'est pas en mesure de faire mieux actuellement. Pourquoi cette obstination? Silence. À quoi ça va servir de mettre un nouveau petit malheureux sur cette terre pourrie? En plus, tu n'aimes plus ton mari. Comment peux-tu envisager d'élever un enfant à côté d'un homme que tu n'aimes plus? Un enfant n'a jamais rien arrangé, tu sais. Bien au contraire, ta situation va empirer. Pas si je lui donne tout mon amour. La roue tourne. Fais confiance, tu n'as que 30 ans. Bientôt 32. Ça te laisse 8 ans, au moins. Il peut s'en passer des choses. Tu comprends pas. C'était ma dernière chance. Si je quitte Maxime, le temps de refaire ma vie, c'est foutu, je te dis. Oui, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je sais aussi, pour en avoir vu d'autres, qu'insister rend encore plus malheureux. Quoi ne pas trouver une autre raison de vivre? Ce n'est pas ça qui manque, des enfants. Il y en a tellement trop sur cette planète. Parle pour toi. En ce qui me concerne, sans enfants, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je ne resterai pas sur un échec. C'est dit. Cette fois, Faustine rentre chez elle bien décidée à en finir. Et tant pis si Adia lui a trouvé un CDD, contrat à durée déterminée de 6 mois chez Tektronix dès lundi prochain. Et tant pis si Maxime est de nouveau en voyage, lui laissant une fois de plus la responsabilité de la discrète Daphné. La jeune fille est présente en filigrane depuis bientôt 2 ans, mais elles se croisent si peu qu'elles sont encore des étrangères l'une pour l'autre. Daphné n'a pas non plus laissé échapper le moindre ressenti au sujet de la perte de son demi-frère. Si elle en a souffert, personne n'en a rien su. Comme si cela lui était passé totalement à côté. Pas plus que les parents de Faustine, elle est venue à l'enterrement. Forte de ces considérations, Faustine décide de ne plus reporter son départ définitif. Puisque plus rien ne fonctionne, ni les inséminations, ni Rodolphe, plus rien ne la retient ici-bas. L'idée de prendre sa retraite à 31 ans lui est insupportable. Qu'est-ce qu'il attend avec Maxime? La vie à petit feu? La mort à petit feu? Non, vraiment, elle ne voit pas d'autre solution. Faustine se fait couler en bas. Écoutant Billie Holiday en fond sonore, elle se prépare en douceur. Elle s'installe une petite table à côté de la baignoire, pose dessus un seau à champagne, une coupe, un cendrier, ses cigarettes et quelques bougies pour l'ambiance. À côté de son lit, elle a étalé une serviette de bain bleu foncé. Il ne faudrait pas que son sang déborde sur la moquette. Daphné, pendant ce temps, étudie dans sa chambre à 2 mètres de la salle de bain. Pendant que son bain coule, Faustine part à la recherche d'un couteau efficace. Elle cherche partout, encore et encore. Bredouille. Comme par magie, tous les couteaux de la maison ont disparu. Envolée, évaporée. Pourtant, elle en avait, elle en est certaine, et des bien aiguisés. Où sont-ils passés? Où est sa mallette professionnelle? Mystère. Lasse de chercher, elle finit par jeter son dévolu sur un cutter à la lame douteuse, oublié au fond d'un tiroir. Ça fera l'affaire, se dit-elle, avant de savourer son bain, une coupe de champagne à la main. 1 heure plus tard, mûre à point, étourdie mais pas trop, elle en sort, range soigneusement derrière elle. C'est alors que le téléphone sonne. Un ami musicien demande Maxime pour un concert quelque part en province. Faustine répond comme si de rien n'était, en bonne épouse qu'elle est. Enfin, porte close, elle peut s'étendre. Elle est poignée bien droit, s'acharner au cutter dans l'espoir d'atteindre la bonne artère. Elle ignore qu'on doit couper dans le sens de l'artère si on veut que ce soit efficace. Alors elle coupe en travers, comme elle a cru voir Salieri le faire dans Amadeus. Au bout d'un moment, elle semble néanmoins obtenir un résultat. Un filet de sang surgit sur son poignet. Sans faiblir, elle entame l'autre. « Merde, j'ai oublié la lettre !» Faustine se relève, un peu groggy et un peu sanguinolente, redescend dans le bureau de Maxime, gribouille quelques mots. « Adieu, je pars rejoindre Julien. » Puis retourne se coucher, non sans avoir éclusé deux bons whisky, histoire de se remettre en condition. Elle se couche avec les deux bras en avant, bien à plat, afin que son sang coule sur la serviette de bain. Apaisée, elle s'endort. 6 heures, le réveil sonne. Elle avait oublié de l'éteindre. Faustine se réveille avec une bonne gueule de bois. Sur ses poignets, qui ne saignent plus depuis longtemps, une petite croûte s'est formée. Ses blessures sont très superficielles. Que faire ? Recouvrant lentement ses esprits, la jeune femme réalise qu'elle n'avait pas jugé utile de prévenir Tektronix qu'elle ne se présenterait pas. À quelque chose, malheur est bon. Daphné est partie depuis longtemps, sans avoir rien remarqué. Ce soir, Maxime revient. Alors Faustine se lève, passe sous la douche, lave ses cicatrices, pose un sparadrap dessus, enfile un chemisier à manches longues et se rend au boulot. En passant, elle déchire le mot d'adieu.